sachant que penser. Je pleurerai sa mort, il était mon ami. Il vous dit qu'il avait tort, vous n'avez rien compris. Il avait trop vécu, paraissait déçu. Pensez dans la vérité, personne n'a écouté. Sachant que penser. Sachant que penser.